कृपया ध्यान दें, कुर्सी की पेटी का संकेत बंद होने तक कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें। हम आपको फिर से बता दें कि विमान के पूरी तरह रुक जाने के बाद ही आप अपना मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। विमान से उतरते समय ध्यान रखें कि ऊपर लगे खान। Namasté, Namaskar, bienvenue à vous, suivez le guide est en Inde. Hyderabad ou Hyderabad, la sixième ville du pays, avec une agglomération qui atteindrait les 10 millions d'habitants. Hyderabad au centre du pays, à l'est de Bombay, on y parle le Telugu, une langue régionale pratiquée par 75 millions d'Indiens. C'est à Hyderabad qu'est installé le théâtre Surabhi, une troupe familiale fondée en 1885, composée de 65 personnes, toutes et tous membres de la même famille. Babji dirige la troupe, il est aussi le chef de famille. Les spectacles dont le plus célèbre est Maya Bazar sont adaptés de la mythologie hindoue du Mahabharata. Le théâtre Surabhi a quitté l'Inde pour la première fois en 2013 pour se produire à Metz dans le cadre du festival Passage. Aux deux semaines de représentations messines ont succédé des représentations à Paris. Nous allons découvrir le théâtre Surabhi dans ses jardins à Hyderabad en compagnie de Nita Jain Duo, indo-française. Nita est réalisatrice et a signé un documentaire sur le théâtre Surabhi. Toujours grâce à Nita, nous allons rencontrer le directeur de l'Alliance française de Hyderabad, Jean-Manuel Duo, son French Marie. Premier aujourd'hui des deux Suivez le Guide consacré au théâtre Surabhi. Nous sommes en Inde, à Hyderabad, dans l'état du Telangana, très jeune état, créé le 2 juin 2014. Un enregistrement réalisé alors que c'était encore l'Andhra Pradesh. Vous serez également dans l'ambiance des spectacles avec des extraits de Maya Bazar. Nous sommes à Hyderabad, qui est la capitale de l'Andhra Pradesh, un grand état du sud de l'Inde. Centre-sud, enfin, oui, ça va, c'est sud en fait, ça commence au centre-sud. On n'est pas en bord d'océan ici. Oui, mais l'état a des côtes. Ah oui, oui, oui. Vishakhapatnam, c'est un grand, grande ville portière. Ah, et mais Hyderabad, non. Hyderabad, non. Non, pas Hyderabad, là on est loin de... On est dans les terres, mais l'état d'Andhra Pradesh a une grande côte à l'est. C'est l'opposé de Goa. En fait, voilà, l'opposé de Bombay. Ouais. Ouais. Et donc Hyderabad, c'est une ville importante. Importante, c'est la sixième ville, peut-être la cinquième maintenant de point de vue population. Et c'est une ville, un grand siège informatique. Il y a des multinationaux et il y a beaucoup de jeunes ingénieurs informatiques qui vivent et travaillent ici. Le théâtre Surabhi, alors où nous sommes, Nita, et nous sommes sur la scène d'ailleurs, il n'y a pas de public là pour nous, mais il y a l'équipe qui travaille. On est bien assis sur la scène où sont donnés les spectacles du théâtre Surabhi. Donc ce théâtre aujourd'hui est à Hyderabad, mais il s'est sédentarisé finalement depuis quelques années seulement par rapport à son histoire sédentaire est courte par rapport à l'histoire globale du théâtre Surabhi. Ah oui, oui, l'histoire, ils sont sédentaires depuis 7 ou 8 ans seulement. Avant, c'était une troupe itinérante qui était dans les villages d'Andhra Pradesh, bien sûr, et ils se déplaçaient d'un village à l'autre, restant quelques temps sur place. Mais la vie devenait... C'était difficile. C'était très difficile. Mmh. C'est surtout que les enfants ne pouvaient pas être scolarisés, qui faisait beaucoup de chagrin à Babji et son frère aîné avant lui, qui avait commencé... Ouais. Alors qu'on le verra plus tard, aujourd'hui, ces enfants font de grandes études et des études universitaires, ce qui aurait été impossible, totalement impossible, s'ils avaient continué à être... itinérant. Hein. Voilà, s'il restait dans les villages, bien sûr, il ne pouvait pas faire ça. Et en même temps, ils sont très attachés à cette tradition, les pièces mythologiques qu'ils jouent. Donc, c'était une chance, une bonne chose que le département de culture d'Andhra Pradesh, quelqu'un ait reconnu l'importance de cette transmission. Et on leur a proposé de venir quelques temps. Enfin, au départ, c'était quelques temps. Venir dans les jardins publics à Hyderabad. Ici, nous sommes dans les jardins publics. Hein. On est vraiment dans les jardins publics. C'est pour ça qu'il y a des arbres, il y a du bon vent partout. Et c'était aussi dans l'optique de qu'ils installent leur théâtre, qu'ils jouent, mais qu'ils aillent vivre dans les appartements. qui sont à quelques kilomètres d'ici. Bon, ça n'a pas vraiment réussi. Non, parce que ça ne convient pas à la mode de vie des Surabis. Oui. Donc, ils ne peuvent pas vivre ailleurs. Ils sont installés autour. Ils sont installés là, tout à côté. On ira leur rendre visite. Ils sont autour du théâtre, ici. Ce théâtre Surabis avec le chef de famille. Aussi, on lui donnera la parole, mais le dialogue est un petit peu difficile puisqu'il parle Telugu. C'est la langue qui est parlée ici. Oui. Que toi, tu ne parles pas, ou un peu? Non, je ne parle pas Telugu parce que moi, je suis du nord de l'Inde. Et ma langue maternelle, c'est le hindi. Je peux un tout petit peu comprendre quand on parle Telugu, mais je ne peux pas tenir une conversation. Si on compare avec la France, on dit quoi? Alors, le Telugu, c'est une langue régionale? C'est une langue régionale de l'Inde, d'une famille de langues qui est vraiment des langues du sud de l'Inde. C'est des langues dravidiennes qui empruntent pas mal de vocabulaire au sanskrit, c'est vrai, mais c'est une écriture complètement différente du nord de l'Inde. Mmh. Alors après, il faut ramener ça à la dimension de l'Inde. Donc une langue régionale en Inde, bah, c'est une langue qui est parlée par davantage de personnes que le français en France. Oui, c'est vrai. Le Telugu, par exemple, est parlé par 80 millions de personnes, qui est la population d'Andhra Pradesh. J'ai peut-être un peu plus quand même, parce qu'il y a beaucoup de Telugophones qui sont... Une diaspora. Qui vivent aux États-Unis, un peu en Angleterre aussi, mais... Ailleurs en Inde également. Et Babji, qui est assis à ta gauche, Nita, c'est le chef de famille en quelque sorte, parce que c'est une grande famille, le Théâtre Surabis, et tous les comédiens, enfin toute la troupe, tous ceux qui vivent ici, qui travaillent ici, font partie de la même famille, ont des liens de sang. Oui, disons Babji, le chef de la famille, parce que toutes les petites familles, les unités familiales qu'on a vues, c'est les familles de ses frères et ses sœurs. On peut faire un arbre généalogique? On peut le faire. Ce groupe Surabi, c'est la famille de M. Babji et ses frères et sœurs, leurs enfants et leurs petits-enfants. Babji, il est chef de cette famille, mais lui et Mme Babji, ils n'ont pas d'enfants. Donc, il est le père de tout le monde ici. Et le théâtre Surabi et toute la troupe, ce sont 65 personnes. 65 personnes. Plus ou moins, ça fluctue peut-être un petit peu. Oui, ça peut changer. Babji, 65 Lorraine, family, mais 65. Ah, 65, hein? Donc 65, c'est précis, voilà. Effectivement. Oui, parce qu'il compte les membres de sa famille. Oui, il est au courant. Oui, il tient sait un jour. Exactement. Et chaque membre de la famille, dès la naissance quasiment, fait partie de la troupe, est intégré dans la troupe, et comédien, comédienne, va faire aussi tous les autres métiers du théâtre. Donc il faut s'occuper des costumes, des décors, etc., des accessoires, peindre, enfin, chacun fait plusieurs choses. Chacun fait plusieurs choses, et quand tu dis dès la naissance quasiment, c'est même pas quasiment, c'est dès le 10e jour, le 11e jour de sa vie. On est sur scène. On est sur scène, porté, on joue. Porté, à ce moment-là. Oui, mais on joue bébé Krishna. C'est ça. C'est le premier rôle. Le nouveau-né. Ou un autre bébé aussi, on peut jouer. Mais ils jouent, disons, ils apparaissent sur scène. Et ça devient quelque chose de tellement qui vient naturellement que j'ai vu le bébé quand il avait 6 mois. Il avait déjà compris. Il y avait certaines scènes où il jouait allait, déjà. Il était content de faire son apparition. Puis d'autres scènes, il savait qu'il y a le méchant qui allait crier. Donc il fermait déjà les yeux. Il comprenait qu'il allait jouer un rôle. Et que ça allait se répéter plusieurs fois. Au-dessus de notre tête, Nita, y a ces toiles peintes, ces rideaux de scène, ces toiles peintes qui sont roulées, qui pendant le spectacle, tout au long du spectacle, qui dure combien de temps d'ailleurs, les spectacles ici, c'est... C'est 2 heures en fait, 1h50 ou 2 heures. C'est pas si long, Parce que les films bollywoodiens sont longs, par exemple. Très longs, oui. Donc là, c'est plus court. Oui, oui. Donc tout au long du spectacle, ces rideaux de scène sont roulés, déroulés. Et ce, il peut y avoir une trentaine de changements de décor pendant un spectacle. Ça n'arrête pas de changer. Hein. Ça n'arrête pas de changer. Ça va très, très vite. Et pendant qu'il y a un rideau qui est baissé et les acteurs jouent devant, ils préparent la scène derrière. Et puis après, il y a un rideau levé, l'autre baissé. Ouais. Et il y a le changement de scène. Mais il y a beaucoup, beaucoup de changements de décor. Et puis, il y a beaucoup d'effets spéciaux dans les spectacles. Alors ça, je pense que ça les amuse de travailler les effets spéciaux qui sont faits de manière plutôt artisanale. Moi, ça fait penser, nous, Français, si on remonte aux origines du cinéma, ça rappelle un peu Georges Méliès, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Je disais que Méliès vient visiter leur théâtre chez lui. Tous les jours. Parce que, oui, c'est vrai que le jeu est très dynamique. Il y a le contenu qui reste le même. On en dira un mot. Mmh. Mais il change, il ajoute les effets spéciaux dès que ça leur sent. Ils trouvent quelque chose qui est intéressant. Donc, ils vont inventer le moyen de le mettre sur scène. Des corps en lévitation, des lits volants, des transformations assez rapides de monstre en femme ou de femme en monstre. Voilà, c'est pour ça. C'est de flèches qui traversent la scène. Et c'est pour ça, c'est important d'avoir le noir absolu. Quand les effets spéciaux sont mis en place, il faut que ça fasse noir. Et puis après, bien sûr, c'est la magie, en fait. Il faut créer la magie. Alors, les hommes s'occupent plutôt du plateau. D'ailleurs, ils sont en train actuellement de s'occuper du plateau, des toiles peintes, des accessoires, des effets spéciaux. Les femmes, plutôt des costumes, des perruques, alors de la lessive. Bon, il y a beaucoup de lessive, on a vu d'ailleurs. Tout autour, il y a du linge qui sèche, de la cuisine aussi. Enfin, tout cela est bien organisé. Hein. Oui. En fait, c'est organisé et en même temps, il n'y a personne qui donne les ordres. Je n'ai jamais vu personne diriger dans ce sens-là. Là aussi, tu vois, ils sont en train de faire leurs choses. Les ça réparations, le temps de tissu. Il y a un qui viendra tout naturellement parce qu'il sait qu'il faut faire ça sans qu'on l'appelle. C'est pareil quand ils sont en déplacement, quand il faut démonter tout le décor. Ça se fait sans crier, sans faire de... sans se demander qui va faire quoi, mais tout se fait tout naturellement. Donc ils ont une organisation innée, je ne sais pas. Ça, c'est l'habitude, c'est la grande habitude d'itinérance, je pense. Suivez le guide en Inde à Hyderabad, Nita Jendio nous fait découvrir le théâtre Surabhi, théâtre traditionnel qui joue en langue Telugu. Le théâtre Surabhi sédentarisé à Hyderabad. Le théâtre Surabhi depuis 1885, qui était d'abord plutôt un théâtre de marionnettes. Et puis un jour, ils ont décidé de changer, de laisser tomber les marionnettes et d'utiliser des vrais acteurs humains. Oui, parce que en fait, c'était une famille qui était venue de l'état de Maharashtra, donc du côté de Bombay, qui est venue s'installer, chercher. Ah, ça c'est le spectacle de l'école arrive. À côté. C'est pas le théâtre Surabhi. Non, pas du tout. C'est dans la salle, l'amphithéâtre à côté. C'est la fête musique, d'une école. Voilà, la musique du théâtre Surabhi est beaucoup plus traditionnelle. Hein. Oui. Oui, si on revient, donc on disait... Ils étaient arrivés dans cet état d'Andhra Pradesh et ils voulaient chercher pour de quoi vivre. Ils ont commencé à faire donner des spectacles de marionnettes. Et c'est pareil, c'était itinérant, mais les acteurs restaient derrière le rideau. Et c'est les marionnettes qui jouaient, mais ils ne gagnaient pas grand-chose. Et donc il y a un de leur ancêtre, en fait, qui est, on peut l'appeler le fondateur du théâtre Surabhi, il s'appelait Vanarasa Govind Rao, qui s'est dit que ce n'était plus possible de vivre comme ça et que, comme c'est eux qui disaient les dialogues, c'était mieux d'apparaître devant les gens et le faire comme un théâtre, comme une pièce de théâtre. Et donc, pour un mariage, ils ont commencé et c'était un grand succès. Le répertoire du théâtre Surabhi, c'est le Mahabharata, le Ramayana, Aussi. Aussi. Oui, les grandes épopées, les avec les dieux, la mythologie. La mythologie. Oui, avec les dieux, des princes, des guerriers, des sages. Alors le Mahabharata, j'ai noté, ce sont, si on veut le lire, ce sont 18 livres et 250 000 vers. Oui, oui, c'est énorme. C'est les histoires principales de Mahabharata et sont connues presque de tout le monde en Inde. Surtout qu'il y avait, il y a eu un grand feuilleton fleuve sur le Mahabharata qui était très très suivi. Mais eux, leurs pièces sont, c'est pas tout le Mahabharata, hein, c'est des épisodes, notamment Mayabazar qui est leur chef-d'œuvre, on peut dire. Ils sont vraiment connus pour l'histoire de Mayabazar. C'est une histoire annexe. En fait, il y a des personnages de Mahabharata, mais c'est un des personnages moins connus qui est, dont c'est l'histoire, Mayabazar. En tout cas, ce sont des récits avec, alors c'est toujours avec des rebondissements. Il y a toujours des bons, enfin il y a des bons, mais il y a toujours des méchants. Il y a des rois, il y a des monstres, il y a des jolies femmes, des déesses. Oui, mais c'est essentiellement le conflit entre le bon et le méchant. Le bien, le mal. Le bien et le mal, bien sûr. C'est ça la mythologie. De toute façon, il faut bien que les dieux montrent le chemin ou donnent des leçons, donc c'est ça. Mais dans Mahabharata, en fait, le personnage de Krishna, qui est le dieu Vishnu, qui s'incarne, qui prend la forme humaine et vient sur Terre sous forme de Krishna pour combattre les démons. Par démon, ça veut dire c'est la tendance démoniaque. Hein, dans la, c'est pas la personne normalement, elle n'est pas démon dans le sens diable. Disons que les méchants dans Mahabharata sont des savants. C'est pas des gens inintelligents. C'est seulement qu'ils utilisent leur pouvoir et intelligence pour faire le mal. Voilà, de façon égoïstique, et ils ne font pas, ils n'hésitent pas à tuer ou faire le mal qui ne convient pas aux dieux. Donc ce théâtre sur habit aujourd'hui est connu, bien sûr, dans cette région. On le connaît ailleurs en Inde. Il a une réputation qui est... Dans les cercles de théâtre, oui. Les connaisseurs de théâtre, maintenant, ils connaissent ces théâtres traditionnels. Et comme ils ont été récompensés, ils sont allés à Delhi. Ils sont invités dans les festivals de théâtre. Là, le mois dernier, ils étaient dans le Karnataka. C'était une rencontre des théâtres traditionnels. Donc, il y avait les théâtres en Kannada, l'autre langue sud-indienne. Mais à ce moment-là, les gens qui viennent voir les pièces, c'est des gens qui s'intéressent au théâtre. Disons que le théâtre sur habit, en tant que divertissement, ça ne marche peut-être pas ailleurs. Parce que les gens ne savent pas que ça existe. Et le nom sur habit ? Ah, le nom sur habit, donc c'est le nom, comme je disais, qu'ils ont un jour décidé de jouer devant sur la scène, et c'est devenu une troupe de théâtre à partir de ce jour-là. C'était dans un village qui s'appelait Surabhi. Mais Surabhi veut dire un parfum, un vent parfumé, ou c'est le nom de la vache. C'est l'autre nom de la vache. Alors tous les comédiens jouent plusieurs rôles, enfin connaissent plusieurs rôles, participent à plusieurs spectacles, sont parfois interchangeables. Ils peuvent se remplacer, c'est vrai, quand il y a besoin. Mais sinon, oui, ils jouent. Tout le monde joue dans chaque pièce, presque tout le monde. Les instruments de musique, puisque la musique accompagne, sont des instruments traditionnels. Mais c'est principalement de l'harmonium. Donc l'harmonium. Du harmonium et du tabla. Tabla, c'est quoi ? Tabla, c'est les percussions. Percussions. Voilà, le tabla, c'est l'instrument le plus, je sais pas, le plus connu, plus courant, disons, de percussions. En Inde, juste du nord de l'Inde, au fait, hein, tabla. le déplacement du théâtre Sourabi en France en 2013. Alors, Babji nous donnera ses impressions par rapport à ça, mais enfin, tu le sais, ça a été un événement très important dans la vie du théâtre Sourabi, ce séjour de plusieurs semaines quand même, assez long, hein, ce séjour en France. Oui, c'était presque un mois, 4 semaines et 2 jours avec le voyage. Mais disons 4 semaines sur place, c'était assez long. C'est sûr que c'était quelque chose de très important parce que c'est la première fois qu'il sortait de l'Inde. Et donc personne, à part Babji, personne n'avait de passeport. Et après le visa, c'était aussi toute une histoire parce qu'il faut aller à Bangalore pour le visa français. Donc là, avec le consulat, nous ont bien aidés. Ils ont donné les passeports, des visas sans que tout le monde aille individuellement à Bangalore. Et puis, fallait, puis après, tout un préparatif, il a fallu... Les décors, les toiles peintes, enfin, etc. Ah oui, et puis les décors, les accessoires. Il a fallu les envoyer 2 mois avant le festival. Et donc 2 mois avant le festival, il n'avait plus de décors pour jouer. C'était un grand problème pour la troupe et pour Babji de ne pas faire de représentation. Donc ils n'ont pas joué ? Non, mais ils ont trouvé une autre pièce. Ah. dont ils ont un peu bricolé les décors, mais ils n'ont pas pu jouer les 3 pièces qui se sont jouées en France. Oui. Mais ils avaient des accessoires pour les autres pièces et ils ont quand même joué d'autres pièces parce que c'était impensable de ne pas jouer, de ne rien faire pendant 2 mois avant le départ et 2 mois après. Oui, le temps que ça revienne, hein, voilà. Ça met autant de temps. Et toi, tu as réalisé un documentaire sur le théâtre Sourabi. Oui, j'ai pas pu résister. C'est un monde tellement incroyable, extraordinaire, que j'ai réalisé. Donc j'ai commencé à tourner bien avant, en fait, d'aller en France, avant les préparatifs de voyage. Puis après, je les ai suivis un peu en France aussi, un petit peu. Puis après le retour, et là le documentaire est prêt. Mais ils l'ont vu? Non, ils ne l'ont pas encore vu. Non, parce que bavard, c'est que la version française qui est prête. Pour leur montrer, il faut que je le traduise en anglais, et que je mette le commentaire en anglais, au moins en anglais, pour qu'ils comprennent. Et après, peut-être on fera une version Telugu. Ah, ce serait important, la version en Telugu. En Telugu, oui, bien sûr. Premier suivi le guide en Inde à Hyderabad, dans l'état du Telangana, à l'est de Bombay. Nous découvrons une troupe étonnante et familiale. Depuis 1885, le théâtre Sourabi, qui vit et crée des spectacles au cœur de cette métropole indienne. Alors, on est parti, Anita, après l'histoire du théâtre Sourabi. On va faire le tour du théâtre Sourabi, le tour du propriétaire. Donc, en partant de la scène, on est sur la scène, là. On est pour sur l'instant. La scène. Voilà. La scène, c'est aussi le salon. C'est... tu vois, il y a la télé ici. Donc, la télé dans les coulisses. Voilà, ouais. On regarde la télé quand il n'y a pas autre chose à faire. Ou même en faisant des guirlandes. Ou d'autres, voilà, on nous a coupé la télé. Voilà, faut dire que bon, le décor n'est pas vraiment mis en place là, pour le spectacle. Tout est relevé, les toiles peintes sont relevées. On a installé une table où on peut grignoter, on peut s'asseoir. On est sur la scène, mais on n'est pas dans le décor du spectacle. Enfin, le décor est au-dessus de nous, les toiles peintes. Hein. Oui, justement, c'est ça la particularité de Sourabi. On est sur la scène, mais la scène, pour l'instant, n'est pas la scène. C'est ça. C'est le salon. En fait, ils invitent les gens, les spectateurs, à voir leur pièce dans leur salon. Ça se fait le théâtre à domicile en France, ben, c'est un peu pareil finalement. Nous sommes invités par Sourabi, chez eux, on est dans leur salon. Alors du salon maintenant, nous passons on passe au bureau. Au bureau, voilà, c'est le bureau du chef de troupe. De Babji. Monsieur Babji. My official room, dining hall, everything here. Il dit que c'est son bureau, aussi sa salle à manger et sa salle de repos, voilà. Également. Il n'y a pas d'ordinateur ? No computer ? No computer. C'est les jeunes qui ont des ordinateurs. On peut même s'allonger là. Hein. Voilà, il donc, fait sa sieste ici. Donc la sieste, c'est juste à l'arrière de la scène. Donc là, c'est toute la partie qui est dédiée au maquillage. Voilà, c'est la salle de maquillage. Pour l'instant, là, quand on se balade, c'est tranquille. Hein. Il y a des malles en bois, tu vois, comme ça. Tout costume, décor, accessoires, tout est rangé. Là. Mmh. Et juste avant le spectacle, ils vont sortir et accrocher les costumes sur les ficelles, là. Et ils vont s'asseoir par terre, à même le sol, pour se maquiller autour des miroirs avec des ampoules qui éclairent. Alors les miroirs sont... Là, on ne les voit pas. Ils sont rangés aussi dans une malle. Rangés aussi. Ils vont sortir les miroirs. Tout va être installé au sol avant la représentation. Donc ça, c'est 2 heures avant la représentation à peu près. Qui commence à se maquiller. Voilà. Donc il y a une prière. Ils font une invocation à Ganesh. Et ensuite, tout le monde vient se maquiller. Il y a la prière avant la représentation aussi à Ganesh. Non, la prière à Ganesh, c'est avant de commencer le maquillage. Ah, et avec avant le public, la représentation, il y a une autre prière. Une autre prière. Ouais. Mmh. Pas à Ganesh. Non. Voilà, donc nous entrons dans les appartements. Oui, donc là, c'est la famille de neveux de Monsieur Babji. Et donc, cette famille, c'est son espace. Donc, c'est une pièce, hein ? Ça, c'est une pièce et elle a une cuisine aussi à côté. Donc, et combien sont-ils à vivre là, dans cet espace-là ? Ils sont trois. Ils sont trois ? Tous les deux, puis leur fille. Et leur fille ? Non, il y a une autre pièce, une petite pièce à côté aussi. Bon, ça fait, pour donner une idée, ça fait quoi ? Ça fait de 12 mètres carrés, à peu près, 10 mètres carrés, à peu près ? Plus que 10, plus peut-être 12, oui. Oui, 12 mètres carrés, à peu près. Donc, alors, il y a les vêtements, il y a... Il y a la machine à coudre. La machine à coudre. Tout le monde coud. Il y a des malles, il y a des petites divinités, parce que prier, c'est très important. Et là, on va passer à la cuisine. Et donc là, ils vivent ici toute l'année ? Oui, ils vivent ici toute l'année, sauf quand ils vont donner le spectacle ailleurs. Voilà. Mais sinon, ils restent là. Parce que, si tu veux, ce Robi, tout le groupe, c'est une grande famille, ils sont plus de 60 personnes. À l'intérieur de cette grande famille, il y a des petites unités familiales, comme ce monsieur-là, avec sa femme et leur fille. Parce que leur fille est née et mariée. Mmh. Donc, elle n'habite plus ici. Eux, ils ont cet espace privé qui est à eux, mais ils font partie de la grande famille. C'est ça. Mmh. Donc, si tu veux, c'est une joint family, comme on le vit en Inde. Extended family. Et on est à quelques mètres de la scène. Hein. Namaskarama. Alors là, Madame Anusuya Devi, c'est la doyenne. Elle a 80 ans. Mmh. La doyenne de la famille. Et elle apparaît sur scène aussi. Elle ne peut plus jouer vraiment des grands rôles, mais elle est toujours sur scène. Ouais. Dans des apparitions. Je suppose que les anciens transmettent aussi aux plus jeunes. Oui, bien sûr. Sa petite fille, donc la fille du monsieur, elle joue les rôles qu'elle jouait sa grand-mère dans le temps. Et donc elle lui donne des conseils et... C'est la transmission orale de génération à génération. Et elle a du mal à marcher, donc elle a son déambuleur. Voilà, là c'est la cuisine. Voilà, donc ça c'est leur cuisine. Chaque famille a sa cuisine. Donc il y a plusieurs cuisines. Il y a plusieurs cuisines. Alors on est dans le bâtiment du théâtre. En fait, on est sous un toit de tôle. Hein, ici, oui, là. Oui. Voilà. Oui, oui. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément bien compte sans les images. Le bâtiment du théâtre Surabhi se trouve dans ce parc. Il n'y a pas de mur, hein, il n'y a pas de mur en briques pour le théâtre Surabhi. Non, il n'y a pas de mur. Hein. Ce sont des parois de tôle. Hein. Parce qu'il y a une raison pour ça. C'est parce que Surabhi était une troupe itinérante. Et donc, il se déplaçait avec ses tôles. Avant des tôles, quand les tôles n'existaient pas. Parce qu'ils ont une histoire de 128 ans. Quand ils ont commencé, c'était peut-être juste du jute ou des tissus. Après, ils avaient des tôles. Donc, ils sont venus à Hyderabad avec leurs tôles ondulées. Et comme ils ont l'habitude de s'installer autour du théâtre, ils ont construit la scène et ils se sont mis autour. Ça. Et donc, c'est des logis de fortune. Peut-être que c'est déjà plus solide qu'à l'origine de l'histoire du théâtre Surabhi, où c'était probablement des matériaux encore plus fragiles que ça. Du toile, tout simplement, ou du tissu. Mais Suivez le guide est en Inde, à Hyderabad, dans l'état du Telangana, à l'est de Bombay, très précisément, terrain numéro 4, Aurora Colony, route numéro 3, Banjara Hills, à l'Alliance française avec son directeur Jean-Manuel Duo, un Lorrain qui a épousé Nita, une Indienne. ये है मिस्टर राम मुरारी अफसर हैं ये एक सरकारी देर देर तक काम ये करते फिर घर जाने से थे डरते उनको सूझा एक उपाय अगले दिन एक लूना लाए चल मेरी लूना Eh bien bonjour à tous, je suis Jean-Manuel Duo et je dirige l'Alliance française de Hyderabad en Inde. On dit souvent Hyderabad ouais. Parce que H-Y c'est plus I, mais ici ça se dit Hyderabad. Hyderabad. Hyderabad. Nous sommes situés dans un quartier assez central de la ville qui fait un peu la jonction entre la nouvelle ville qui se développe à l'ouest et la ville plus traditionnelle. Une ville de 7 millions d'habitants qui se développe très vite avec tous les problèmes. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'avec le développement, il y a un certain nombre de problèmes également. L'Alliance française, c'est une belle villa, c'est une grosse maison. Oui, c'est un gros bâtiment de 1000 m² sur 3 étages. Nous avons deux missions à l'Alliance française. Nous enseignons la langue française et nous essayons de promouvoir ce qu'on appelle le dialogue culturel entre la France ou les pays francophones et le pays d'accueil. Et donc, le premier étage a 7 salles de classe, la réception, la salle des profs. Nos profs sont tous des Indiens. Qui parle très bien français. Au deuxième étage, c'est l'administration ainsi que la bibliothèque où nous avons environ 3000 documents, 300 DVD français. À chaque fois que je vais en France, je ramène quelques DVD. Et puis le troisième étage qui est un espace culturel où nous montrons des films, des expositions. Surprenant, il y a un gros rocher juste à votre gauche, Jean-Manuel. Il y en a quelques-uns comme ça, enfin pas mal d'ailleurs, un certain nombre au cœur de la ville ici à Hyderabad. Effectivement, Hyderabad est une ville située sur ce qu'on appelle le plateau du Deccan, qui est un plateau, nous sommes à 600 mètres d'altitude, ce qui fait qu'ici la température n'est pas aussi écrasante qu'elle peut l'être dans les plaines de Delhi ou du Rajasthan. Donc on a une température relativement agréable et c'est un endroit de rochers et de lacs. On aurait recensé quelque chose comme 2000 lacs dans la région de Hyderabad. Et des rochers, il y en a par milliers évidemment, qui ont tous 2500 millions d'années et qui parfois ont des formes extraordinaires. Il y a un rocher qu'on appelle le hamburger, où vous avez 5 strates de rochers les unes sur les autres qui tiennent en équilibre d'une façon incroyable. Donc beaucoup de monde vient les photographier. On pourrait presque penser qu'on est aux États-Unis avec ce paysage de rochers. S'il n'y avait pas les maisons, enfin les bâtiments plutôt de style indien tout autour, on pourrait penser être au Far West finalement. Avec ces rochers. Alors il y a ce hamburger. Et puis juste un mot sur un bâtiment assez surprenant quand on arrive de l'aéroport. Donc il y a le hamburger et il y a le poisson. Un gros poisson. Donc c'est un bâtiment vraiment qui... c'est vraiment la forme d'un poisson. C'est un bâtiment qui surprend tout le monde parce qu'il est bien situé sur l'autoroute qui mène directement de l'aéroport au centre-ville. Et c'est en fait une réalisation d'un architecte pour le département de la pêche indienne. Alors on n'est pas du tout au bord de l'océan, nous sommes en plein centre de l'Inde, mais il y a ce département des conserveries de pêche ou quelque chose comme ça qui a été fait en forme de poisson. C'est assez extraordinaire. Pas pour la pêche dans le lac, pas du tout, parce qu'il y a un lac ici. Les lacs sont pollués malheureusement, il n'y a plus de poisson. Vous êtes nommé par la France, vous, Jean-Manuel. Les enseignants ici à l'Alliance française sont indiens. Par contre, le directeur, et c'est le cas pour toutes les alliances françaises au monde. Non. Pas toutes. Non, pas toutes. Pas toutes. Il y a beaucoup d'alliances dans le monde. Comme vous le savez sans doute, l'Alliance française est un superbe concept né en 1883, donc ça fait exactement 130 ans que ce concept est né. Car beaucoup d'intellectuels du 19e siècle français avaient remarqué de par le monde, que ce soit Ferdinand de Lesseps ou même Pasteur, que dans le monde entier, il y a des tas de gens qui aiment notre langue et qui sont prêts à la diffuser eux-mêmes. Et donc, l'Alliance est née à Paris avec ce mot d'ordre. Tout groupe d'individus, mot d'ordre, cet appel plutôt, tout groupe d'individus dans le monde qui a envie de promouvoir la langue et la culture française peut le faire en copiant les statuts de l'Alliance française de Paris. Et donc c'est ce qui s'est fait puisque dès 1884, une alliance est créée à Melbourne et une autre à Copenhague. Et aujourd'hui, il y a un réseau de plus de 800 alliances dans le monde qui sont chacune d'entre elles une association de droit local sans but lucratif. Et dans 200 de ces 220 de ces alliances françaises dans le monde, il y a un expert français comme moi qui a la chance d'être nommé, envoyé par le ministère des Affaires étrangères, très officiellement, pour diriger une association de droit local, ce qui d'ailleurs peut paraître un peu étonnant. Donc je sais qu'en Inde, il y a un temps où on ne pouvait pas marquer directeur sur notre carte de visite, tout simplement parce que les Indiens estiment que comment une association de droit local indienne peut-elle être dirigée par un étranger. Donc nous sommes plus des experts de l'ambassade de France en résidence auprès d'une association de droit local que nous essayons d'épauler en étant directeur. Et combien d'alliances françaises en Inde ? En Inde, il y en a 15, dont 13 sont à peu sont près dirigées. Partout elles sont disséminées à peu près partout sur le territoire ? En Inde, une bonne question. Effectivement, le maillage du territoire indien n'est pas assez homogène, dans le sens où nous sommes plutôt dans le sud. Donc dans le sud, les alliances sont très présentes entre Pondichéry, Madras... Ça, c'est lié à l'histoire aussi, c'est lié à l'histoire, c'est sûr. Et nous avons un petit regret, c'est que le plus grand état de l'Inde, qui est l'Uttar Pradesh, qui jouxte le Népal, n'a pas d'alliance. Donc à Benares, il n'y a pas d'alliance. À Lucknow, il n'y a pas d'alliance, alors que c'est un très gros état. Celle-ci existe depuis quand ? Celle d'Hyderabad ? Celle d'Hyderabad est née en 1980. Donc elle a exactement 33 ans. C'est pas si vieux que ça. Nous avons donc un comité de personnalités locales constitué de 7 personnalités qui sont presque tous au moins un peu francophones, en tout cas qui aiment la France et qui nous aident bénévolement à faire nos cours et à mener une activité culturelle, je dirais, assez importante. Parce qu'on réalise quand on est en Inde qu'on est quand même très très loin de la réalité française et que si les alliances n'existaient pas, il y aurait bien peu d'artistes français qui passeraient ici. Et chaque fois que nous accueillons un artiste français, nous essayons d'organiser un atelier, une rencontre, ne serait-ce qu'une rencontre avec des journalistes pour qu'il y ait réellement un échange et pas seulement de la diffusion de ce qu'on sait faire. Ça ne m'intéresserait pas si c'était uniquement de la diffusion. हमारे दांतों की बनावट दांतों और मसूड़ों को ठीक से साफ न करने से इसका असर पूरे शरीर पर होता है Alors Jean-Manuel, on se rencontre ici donc à l'Alliance française à Hyderabad et ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que vous êtes lorrain. Effectivement, je viens de Lorraine, je suis né à Ciré-sur-Vezouze, en Meurthe-et-Moselle. Effectivement, j'ai fait mes études à Lunéville puis à Nancy. Mes études supérieures en tout cas à Nancy et je ne m'attendais pas vraiment à me retrouver en Inde un jour jusqu'au moment où à mon époque le service militaire était obligatoire. Ça vous branchait pas trop ? Ça me branchait pas trop le service militaire donc j'avais demandé à faire si possible un service en coopération et j'ai eu cet extraordinaire coup de fil lorsque j'étais à Nancy, rue Saint-Nicolas, je me souviens bien de mon petit appartement d'étudiant, cet extraordinaire coup de fil du ministère des Affaires étrangères me disant « Nous vous avons sélectionné pour un poste en Inde ». Et donc il y a 30 ans exactement, j'ai été envoyé à New Delhi, à l'université de Delhi, comme lecteur de français, et ça a changé ma vie. Et on pourrait dire alors, toi Delhi, tu m'as pris dans tes bras, c'est un peu ça, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est effectivement ce qui s'est passé, je ne m'attendais pas d'une part à venir à Delhi, puis je ne m'attendais pas surtout, deux ans après, en 1985, à revenir dans ma Lorraine natale, et dire à mes parents, je suis amoureux d'une Indienne, et j'aimerais bien qu'elle devienne ma femme et elle n'est pas venue avec moi mais je fais tout pour qu'elle vienne et ce que j'ai réussi à faire trois mois plus tard qui a été immédiatement adopté comme l'Indienne Lorraine Vos parents ont dit formidable et... Dès qu'ils l'ont vu d'ailleurs moi j'avais dit à ma femme quand tu vas arriver en France si tu veux nous irons voir mes parents au bout de quelques temps familiarise-toi d'abord avec le contexte parisien, avec le contexte gastronomique, avec mes amis, peut-être avant d'aller voir mes parents. Ça peut être un choc, des personnes lorraines qui ne parlent pas un mot d'anglais, comment ça va se passer. Bon, elle parlait un peu français puisqu'elle avait été mon étudiante avant. Et puis finalement, c'est elle qui, 15 jours après être arrivée à Paris, m'a dit « Je n'y tiens plus, je veux voir tes parents ». Et tout de suite, à cette époque-là, ils habitaient à Bruyères, dans les Vosges, et arrivés chez eux, ils se sont sautés dans les bras l'un de l'autre, et ils ont bien vu qu'elle était absolument charmante et chaleureuse, et elle a été immédiatement adoptée. « Et avec votre belle famille, Jean-Manuel ? Même chose du côté de ma belle famille. C'est vraiment une belle histoire. C'est une belle histoire parce que effectivement, c'était un peu difficile d'aller voir mes beaux-parents, enfin ceux qui sont devenus mes beaux-parents aujourd'hui, en leur disant que je voulais épouser leur fille parce qu'ils m'avaient connu comme le prof de leur fille. J'avais été présenté avec quelqu'un, etc. Enfin, c'était un peu compliqué. Et puis finalement, quand Nita est arrivée en France et qu'on a réussi à obtenir une date de mariage, ça n'a pas été facile. J'ai rencontré des obstacles administratifs que je n'attendais pas de mon pays. Il a fallu qu'on fasse un sitting. De la part de la France. Absolument, ah oui, absolument. Si vous voulez, il a fallu qu'on aille voir la mairie du 10e où j'habitais à l'époque, Paris 10e, plusieurs fois pour notre dossier de mariage. Et à l'époque, il fallait, je ne sais pas si c'est encore obligatoire aujourd'hui, mais pour une ressortissante indienne, ce qu'on appelait un certificat de coutume. Pour savoir quelles sont les coutumes dans son pays pour pouvoir se marier. Et le certificat de coutume était disponible à l'ambassade de l'Inde. Donc il a fallu aller à l'ambassade de l'Inde plusieurs fois, rencontrer le consul. Le consul a voulu prendre ma femme entre quatre yeux, c'est-à-dire moi je n'étais pas bienvenu dans son bureau. Donc c'était un second père le consul finalement. En quelque sorte. Et qu'a demandé à ma femme, est-ce que vos parents sont au courant de cette liaison que vous avez avec ce monsieur français, car on ne voudrait pas la être laisser comme ça. Ouais, voilà, ouais. Exactement. Donc ça a été tout un truc. Il a fallu. Donc on est allé à la mairie plusieurs fois, et donc la mairie a pensé qu'il s'agissait d'un mariage blanc, d'un faux mariage. Je voulais faire venir en France une Indienne pour qui cherchait à avoir la nationalité française. C'est ça. Mm-hmm. Et donc à la mairie, on nous a bloqué notre dossier. Et là, j'ai dit, je suis désolé, toutes les pièces sont dans le dossier. On demande maintenant une date de mariage, publication des bans, c'est 15 jours, on se marie dans 15 jours. Et on m'a dit non, le secrétaire de mairie veut vous rencontrer. J'ai dit alors voyons-le. Et c'est là qu'on m'a dit non, il va falloir prendre rendez-vous, etc. Moi j'avais pas le temps, j'en avais assez. On a fait un sitting devant le bureau du secrétaire de la mairie du 10e arrondissement. Ma femme était en pleurs. Ça a été un moment un peu dramatique. Finalement, il nous a acceptés dans son bureau et on a pu se marier 15 jours après. Ma femme a alors écrit à ses parents. Et je dois dire que mon beau-père, quand il a reçu la lettre et qu'il a lu ça, ma fille amoureuse d'un Français qui veut se marier avec un Français, il a pris un vœu de silence, comme on peut le faire parfois en Inde. On est prêt à faire des sacrifices, à prendre des vœux immédiatement. Et là, il a pris un vœu de silence, il a dit à sa femme, je ne parlerai plus pendant 3 jours. Dans 3 jours, nous verrons où j'en suis. Pour penser, pour réfléchir. Pour réfléchir, pour prendre de la distance par rapport à cette nouvelle qui l'a profondément bouleversée, car ma femme est d'une communauté très petite en Inde, qui est la communauté Jain. Les Jains se marient normalement entre eux, ne vont même pas se marier avec des hindous ou d'autres religions. Donc imaginez un étranger, et en plus un Français. On a une assez mauvaise réputation sur ce côté-là, on est considéré comme des chauds lapins. Donc on disait à ma femme à l'époque, attention, le Français, il va vivre avec toi pendant un an, et puis après, cours toujours, tu ne le verras plus. Donc il y a eu cette petite résistance, et au bout de 3 jours, mon beau-père a pris son téléphone, il a appelé le numéro qu'on lui avait donné, que sa fille lui avait donné à Paris, et c'est moi qui ai décroché. Et je lui ai dit, écoutez, votre fille, elle est à l'université, elle a réussi à s'inscrire en DEA à l'époque, à la Sorbonne. Et il m'a dit, seriez-vous disposé à vous marier selon nos coutumes ? Je dis, mais si vous m'acceptez, avec grand plaisir. Et c'est là qu'une belle aventure a commencé, puisqu'on s'est marié à Paris, à la mairie. Mais on a eu un superbe mariage religieux à Delhi, qui est resté gravé dans ma mémoire comme une chose absolument extraordinaire, puisque c'était la réalisation d'un rêve. Et je suis entré dans toutes ces coutumes, ne comprenant pas la langue, mais avec un enthousiasme débordant. मुझ पे तो ऐ दिल रुबा तेरी सखियां भी फिदा ये बोलेंगी क्या पूछो पूछो Jean-Manuel, votre vie n'a pas été de manière continue depuis ce mariage. Vous n'avez pas vécu tout le temps en Inde. Non, en effet, une fois qu'on s'est marié, là je travaillais à Paris à l'époque, j'ai voulu revenir en Inde quand même pour connaître la langue parlée par ma femme et sa famille, pour connaître les coutumes du pays. Et donc, dès qu'il y a eu un poste libre à l'ambassade de France, où il y a une petite école française, on m'a tendu la perche en me disant il y a le poste de prof de français à l'école française. Donc je suis venu dans cette école en contrat local pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, j'ai bien vu que l'horizon était un peu limité pour moi. Donc j'ai voulu changer. Et là, j'ai découvert l'Alliance française. Et je me suis dit, l'Alliance, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est une association. Ça lie mes grandes passions, la culture et la langue française. Essayons donc d'y entrer. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour. On me demandait d'être fonctionnaire. Donc je suis allé passer un concours des affaires étrangères à Islamabad, au Pakistan, que j'ai raté de peu. Et l'année suivante, je suis allé à Hong Kong, passer le CAPES de lettres modernes. Et je l'ai réussi. Dès que j'ai eu mon CAPES, j'ai été nommé directeur d'Alliance française. Et j'avais dit au ministère, je suis candidat à tout pays du monde, sauf peut-être le Pakistan, puisque ma femme indienne au Pakistan, ça poserait des problèmes politiques. Et finalement, on m'a nommé en Inde. Donc je suis revenu en Inde, mais j'étais à Goa, dans la superbe Goa, avec ses 80 km de plage pendant 4 ans. Cette expérience était formidable et en même temps, c'était autre chose que directeur d'Alliance, puisque j'ai été très souvent consul, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de Français en difficulté à Goa. On y trouve encore toutes sortes de produits illicites. Il y a des Français, je ne sais pas, il y a eu quand même, à la grande période hippie, enfin, etc., il y a eu un mouvement vers Goa, et il y en a encore qui restent de cette époque-là. Il y en a encore. Alors, qui reste de cette époque-là, très peu. Très peu. Il y a plutôt une nouvelle génération. Ah oui. C'est les enfants des hippies, qu'on appelle les hippies avec un Z, qui ont un téléphone portable et une carte de crédit, et qui ont de l'argent, et qui voyagent entre Goa, Bali et Ibiza. Et entre ces trois endroits, ils arrivent avec différents marchandages, différents trocs. Il y a aussi les DJ qui font de la musique techno. Et donc, toute cette nouvelle population amène aussi des problèmes, puisqu'il y a bien sûr des gens, il y a des drogués. Donc, j'ai eu 5 morts, j'ai eu 5 prisonniers, et j'ai eu 15 rapatriements en 4 ans. Donc, j'étais plus... Le consulat étant à Bombay, on me demandait d'intervenir souvent. Et là, j'ai des histoires assez phénoménales, mais toujours... dans la bonne humeur, parce que quand on est en Inde, c'est quand même un pays extrêmement chaleureux, extrêmement vibrant, avec des gens qui sont prêts à vous entourer. Donc c'était des moments un peu délicats, mais en même temps, j'ai eu des rencontres avec des policiers, des juges ou des psychiatres, qui étaient des moments assez, assez formidables, d'échanges. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari. Quand on arrive de France, et même aujourd'hui, si des personnes arrivent de France pour travailler en Inde, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Que doit-on changer dans son comportement et dans sa façon de travailler ? Je ne sais pas si on doit vraiment changer quelque chose. Je crois qu'il faut être soi-même partout où l'on est. D'ailleurs, je suis toujours fier d'être français, comme ma femme est fière d'être indienne lorsqu'elle est en France. Par contre, c'est vrai qu'on évite quand même certains comportements. Donc, à mes jeunes stagiaires qui viennent de France, je leur dis, écoutez, essayez quand même de limiter la profondeur de vos décolletés. Essayer de porter quelque chose sur les épaules, de ne pas mettre trop de mini-jupes. C'est vrai que montrer son corps en Inde, on évite. En plus, il y a eu tous ces problèmes de viol récemment. L'Inde se libère, l'Inde est en train de bouger énormément. Et malheureusement, d'ailleurs, des thèmes sur lesquels on ne parlait pas avant viennent toujours aujourd'hui dans les journaux. Donc il y a peut-être un petit peu ce respect-là. Le respect de chacun. Le respect de la personne plus âgée est extrêmement important dans la culture indienne. Dès qu'on se trouve en face de quelqu'un qui a peut-être des cheveux gris ou on voit bien qu'il est plus âgé que soi, on sera toujours respectueux. Ne jamais s'énerver. C'est ça. C'est très important. Et moi qui suis plutôt parfois nerveux s'il y a quelque chose qui m'embête un peu, j'ai essayé j'ai appris à me contrôler parce que ici, l'énervement ne passe jamais. Le sourire passe toujours. Alors, quand on est bloqué dans une situation... Généralement, ça se débloque parce qu'un grand sourire, on se tape dans le dos. Et puis, il faut être très ouvert aussi à la curiosité de l'autre. Donc, on peut avoir des Indiens qui viennent vous voir et vous dire « Vous êtes marié, combien gagnez-vous ? Vous avez des enfants ?» Et c'est très naturel ici dans la culture, ça l'est moins chez nous. Donc, il faut être... C'est un peu tabou, hein, ça reste un peu tabou. C'est vrai. En France. Donc là, vous répondez franco. Et on répond franco et on ne dit pas la vérité. C'est pas la peine de dire qu'on gagne 3000 euros, ça peut choquer. Il vaut mieux dire qu'on gagne 500 euros et ça masse mieux. Parce qu'après, on convertit en roupies. Ah d'accord, vous gagnez comme nous. Montrer qu'on est les mêmes. Ouais. Nous sommes les mêmes êtres humains. Et il se trouve qu'on est né dans un pays qui s'appelle la France et qu'en face de nous, on a des gens qui sont nés dans un pays qu'on appelle l'Inde. Ils ont une autre culture, une autre langue. Mais il y a des tas de choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Bien plus qu'on ne croit d'ailleurs. ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India. Suivez le guide, Thierry Georges. Ce qui intrigue Jean-Manuel ici, donc à l'Alliance française à Hyderabad, moi ce qui m'a intrigué, je ne sais pas si ça intrigue les autres visiteurs, c'est une salle de réunion. Et quand on lit sur la porte d'entrée de cette salle de réunion, Monsieur Raymond, et donc je pense que toutes celles et ceux qui ne sont pas au courant demandent, mais qui est ce monsieur Raymond? C'est vrai, quand j'ai aménagé le nouveau local de l'Alliance dans lequel nous avons déménagé il y a 2 ans, j'ai conçu une petite salle de réunion près de mon bureau et je l'ai appelé monsieur Raymond parce que quand je suis arrivé ici, j'ai appris que j'étais pas le seul Français portant dans cette ville. Je plaisante. Il y en a une autre, il y a salle de réunion, monsieur Jean-Manuel. Non, il n'y a pas. Mais c'est vrai que j'ai entendu parler de cette histoire incroyable. Monsieur Raymond était un homme, en fait, du 18e siècle, un soldat qui était venu avec les grands conquérants français du 18e siècle, au moment où il y a eu la colonisation de Pondichéry, les fameux comptoirs français en Inde, Pondichéry, Yanam, Karikal, Chandernagore, et j'oublie. Et monsieur Raymond, enfin Raymond, qui s'appelait je crois Joachim Marie Raymond, qui vient d'un petit village près de Toulouse, était un des militaires de l'époque qui était arrivé à Pondichéry, et il est allé plus loin vers le centre de l'Inde, donc il est venu ici à Hyderabad, et il avait des dons. Ce gars-là savait fabriquer des canons. Donc le Nizam de l'époque a dit, comment, il y a un militaire français qui connaît des canons. Alors il y avait la rivalité bien sûr entre les Anglais et les Français, et profitant de ça, Raymond s'est rapproché du Nizam et a montré ses talents. Il a fabriqué des canons. Il y a encore un endroit de la ville ici qui s'appelle Gun Foundry, c'était la fonderie de canons du Nizam, complètement fabriqué par monsieur Raymond. Et monsieur Raymond est devenu tellement proche du Nizam que apparemment il a appris la langue, il a appris les coutumes, il a porté les vêtements de l'époque, et un beau jour le Nizam lui a donné le commandement d'un régiment de 7000 hommes. Il est devenu général Raymond de l'armée du Nizam. Et donc monsieur Raymond, il est mort très tôt, il est mort à l'âge de 42 ans, on n'a pas énormément de choses sur lui, mais il y a un endroit de la ville où on a fabriqué un tombeau, le tombeau de monsieur Raymond est assez connu, avec un temple grec, une obélisque, la tombe de sa femme, la tombe de son cheval et la tombe de son chien. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire, donc j'ai voulu nommer une de nos salles monsieur Raymond, et j'espère qu'avant la fin de mon séjour ici, de mon travail ici à Hyderabad, je pourrai faire un peu quelque chose pour cet endroit, parce que c'est assez désolé aujourd'hui, personne n'y va, alors que la population locale l'a complètement idolâtré. Les musulmans aussi bien que les hindous révèrent ce monsieur Raymond, d'ailleurs l'ont adopté dans leur langue. De monsieur Raymond on est venu à dire Musharram chez les musulmans et Musharram chez les hindous, et donc les gens y vont même déposer des, pas des fleurs, mais y faire des offrandes, y faire des... Un peu porte-bonheur ou... On sait que c'est quelqu'un qui a été important dans l'histoire de la ville, pour qui on a construit cet énorme tombeau assez inimaginable, parce que temple grec ici à Hyderabad il n'y a pas, et voilà, c'est un homme qui est resté, qui a laissé sa trace, monsieur Raymond. Ça a même laissé tellement sa trace qu'un quartier de la ville s'appelle Musharram Bagh, qui veut dire donc le quartier de Musharram, qui est monsieur Raymond. Le quartier de monsieur Raymond à Hyderabad. Qui n'a pas de rue dans son village, enfin on ne sait pas. Et voilà, il venait d'un petit village que j'ai découvert sur internet, je crois qu'il s'agit de Solignac si ma mémoire est bonne, un petit village de 300 âmes. Et quand j'ai consulté le site internet de ce village, j'ai vu qu'il est fait mention d'un personnage. Il n'y a pas la rue de monsieur Raymond Il y a peut-être, je ne sais pas, à Solignac, il faudrait que j'y aille. Je vais me mettre en contact avec la mairie de Solignac, parce que j'aimerais beaucoup qu'on fasse quelque chose. C'est quand même assez extraordinaire, cette histoire. La mairie de Sérignac, Sérignac-sur-Garonne, dans le département du Lot-et-Garonne, où est né le général Michel Joachim Marie Raymond, 1755-1798, connu à Hyderabad sous le nom de Monsieur Raymond. Ouais. Dani Yavadalu, merci en Telugu. Dani Yavadalu, le théâtre Surabhi, Nita Genduo, avec qui nous le découvrons et nous retrouverons le théâtre Surabhi et Nita dans un prochain Suivez le Guide. Merci Charles Tangeman et le festival Passage à Metz de nous avoir fait découvrir le théâtre Surabhi. Dani Yavadalu, l'Alliance française de Hyderabad, Manisha Kumar et Jean-Manuel Duo. Réalisation Roman Feocchio. le site internet surabitheatre.com. Thank you.